L'esprit, qui jusque-là n'avait pas été le point le plus fort de Wenceslas Trapinski, lui poussait à vue d'œil. On le voyait se transformer comme un arc-en-ciel que les rayons du soleil rendent de plus en plus brillant. Il lui suffisait de quelques heures, voire de quelques instants, pour acquérir ce que d'autres mettent des années à apprendre. Ce qu'il apprenait, il l'avait en lui, comme la goutte de pluie à l'arc-en-ciel dans son sein. Il observait les mœurs et les habitudes de ses amis, et se les appropriait en y mettant un cachet original. Il épiait avec un soin particulier ce qu'on pensait et ce qu'on disait de lui. Il se mirait dans l'opinion publique et n'avait d'autre occupation que d'embellir sans cesse et de perfectionner au gré de son caprice l'image qu'il voyait lui sourire dans ce miroir, image qui n'était pour les uns que la curiosité du jour, mais pour les autres, surtout pour les femmes, un sujet d'inépuisable admiration. Il devint ainsi le héros d'un joli roman, auquel les habitants de Goldar travaillaient de concert avec lui et dont le mystère faisait un des principaux attraits. En même temps, Strapinski apprit à connaître ce qu'il avait ignoré jusque-là, savoir les nuits où le souci chasse le sommeil, et il faut dire à son désavantage que la crainte d'être reconnu comme un pauvre tailleur y eut une plus grande part que les reproches de sa conscience. Ce besoin inné qu'il avait de représenter, ne fût-ce que par le choix des vêtements, était le démon qui l'avait jeté dans cette situation et qui le tourmentait de la peur d'être reconnu. Quant à sa conscience, elle se bornait à lui faire nourrir encore vaguement le projet de saisir à la première occasion un prétexte pour partir et de gagner au jeu ou à la loterie de quoi payer ses dettes à Goldar. Il fit venir des billets de toutes les loteries imaginables et la correspondance qui en résulta fut une nouvelle preuve de son importance sociale. Il avait déjà gagné plus d'une fois quelques florins lorsqu'il eut un jour la chance de recevoir une somme assez considérable pour réaliser son projet, c'est-à-dire pour payer ses dettes et partir. Il fut à peine étonné de son bonheur qui, lui semblait-il, allait de soi, mais il se sentit soulagé en songeant à l'aubergiste de la Balance dont les bons dîners lui avaient touché le cœur. Mais au lieu de payer simplement ses dettes et de partir sans autre, il se proposait de dire qu'il était obligé de s'absenter pour un voyage d'affaires et d'annoncer par lettre de quelque grande ville que le destin impitoyable lui défendait de revenir à Goldar. Par la même occasion, il aurait assuré ses amis de sa reconnaissance et les aurait priés de lui garder un bon souvenir. Cela fait, il comptait reprendre avec courage son métier de tailleur, à moins qu'il ne trouvât quelque autre carrière convenable. Il aurait beaucoup aimé rester à Goldar comme maître tailleur, et il aurait les moyens de s'y établir modestement. Mais il était clair qu'il ne pouvait plus songer à y vivre autrement que sur un grand pied, comme il convenait au comte Strapinski. Comment d'ailleurs faire cette honte à mademoiselle Nanette, qui lui avait en toute occasion témoigné une préférence si marquée, et que quelques-uns déjà commençaient à appeler la comtesse? Comment lui préparer une si cruelle déception? Le destin seul était coupable, comment le faire mentir et se couvrir soi-même de honte? Il avait reçu une lettre de change de l'entrepreneur de sa loterie, qui se donnait le titre de banquier, et il venait de l'encaisser dans une maison de Goldar, nouvelle occasion de fortifier la bonne opinion qu'on avait de lui et de sa fortune, car ses commerçants solides n'eurent pas même l'idée que ce pût être quelque affaire de loterie. Le même jour, Strapinski était invité au bal. Il s'y rendit, vêtu de noir, et annonça à ses amis et connaissances qu'il était obligé de partir. En quelques minutes, la nouvelle se répandit dans toute la salle. Nanette, que Strapinski cherchait des yeux, en fut comme atterrée. Elle changeait de couleur à chaque instant et se détournait pour éviter les regards indiscrets. Elle prit part à quelques danses, puis elle s'assit, distraite et oppressée. Une courte révérence fut toute la réponse qu'elle fit à Strapinski, qui s'approchait enfin pour l'inviter à son tour. Il s'éloigna singulièrement agité et triste. Il prit son fameux manteau et alla se promener dans une allée du jardin, tête nue et les cheveux au vent. Il comprit alors qu'il n'était resté si longtemps que pour elle seule, que l'espoir de la revoir n'avait cessé de le soutenir et de l'animer en secret, mais en même temps, il comprit mieux que jamais la difficulté de sa position et la folie de ses vagues espérances. Pendant qu'il se promenait, il entendit derrière lui des pas légers et rapides. C'était Nanette. Elle passa tout près de lui en balbutiant quelques paroles. « Elle cherchait sa voiture, » disait-elle. Cependant, elle devait bien savoir que sa voiture était de l'autre côté de la maison, et que de celui-ci il n'y avait que des têtes de choux et des rosiers entourés de paille. Elle revint sur ses pas, et comme Strapinski se trouvait sur son chemin, elle étendit les bras d'un air suppliant, se jeta à son cou et se mit à sangloter. Les joues brûlantes de la jeune fille furent bientôt couvertes des boucles légèrement parfumées du comte, qui enveloppa cette gracieuse taille blanche des deux ailes de son manteau, noir comme les deux ailes d'un aigle. Cela faisait un tableau ravissant, fait pour tenter un peintre, et qui aurait eu l'avantage de n'avoir pas besoin de commentaires. Strapinski perdit toute raison dans cette aventure, mais il lui arriva ce qui arrive à l'ordinaire, savoir que le bonheur favorise justement ceux qui perdent la raison. Nanette avoua à son père, le soir même, en retournant à la maison, qu'elle n'épouserait personne d'autre que le comte. Le comte, de son côté, se présenta le lendemain de bonne heure. Il venait demander, avec la mélancolie et l'amable timidité qui lui étaient habituelles, la main de la jeune fille. Le père le reçut avec le discours suivant. Le sort l'a voulu, le vœu de notre petite folle est accompli. Elle prétendait déjà, petite fille, n'épouser jamais qu'un Italien ou un Polonais, un grand pianiste ou un chef de brigand avec de belles boucles. Nous y voilà. Tous les prétendants du pays, elle les a refusés, même les meilleurs. Dernièrement encore, elle a refusé M. Bunny. Ce commerçant capable, qui ne peut manquer de faire des affaires toujours plus belles. Elle s'est moquée de lui, de ses favoris roux et de sa petite tabatière en argent. Maintenant, Dieu merci, voici venir des pays lointains un comte polonais. Prenez la petite folle, monsieur le comte, et s'il lui arrive d'avoir froid dans votre Pologne, d'être malheureuse et de pleurer, renvoyez-la moi. Dans quelle extase aurait été sa mère, s'il avait pu savoir que son enfant gâté deviendrait comtesse. À partir de ce jour, il y eut du mouvement à la maison. Le mariage devait avoir lieu très prochainement, car le président affirmait que son futur gendre ne devait pas être arrêté dans ses affaires par des formalités de mariage, mais que les formalités devaient céder le pas aux affaires. Strapinski fit à sa fiancée des cadeaux qui lui coûtèrent la moitié de ce qu'il possédait. Avec l'autre moitié, il comptait donner une fête. On était au temps du carnaval, mais il neigeait et faisait froid. Les routes étaient couvertes de verglas. Strapinski résolut d'organiser une partie en traîneau, avec bal le soir, dans un hôtel situé sur un plateau avec une vue magnifique, à moitié chemin entre Goldar et Seldvila. Il arriva que, dans le même temps, M. Bunny eut des affaires à Seldvila. On le vit en prendre la route, dans un léger traîneau, bien enveloppé et fumant son meilleur cigare. Il arriva aussi que les gens de Seldvila arrangèrent pour le même jour une partie au même hôtel. Ce devait être une partie masquée. Ceux de Goldar partirent vers le midi, avec un grand bruit de grelots, de cors, de postillons et de fouets claquant dans les airs. Ils traversèrent au galop les rues de la ville, au plus grand étonnement des vieilles images peintes sur les maisons. Dans le premier traîneau étaient Strapinski et sa fiancée. Strapinski enveloppé d'un pardessus polonais en velours vert, couvert de brandebourgs, bordé et doublé de pelisse. Nanette enfoncée dans d'épaisses fourrures blanches et le visage protégé par les plis d'un voile bleu contre le froid et l'éclat de la neige. Un obstacle imprévu avait empêché le président de prendre part à la fête, de sorte que les deux amoureux occupaient seuls son brillant traîneau. Il avait pour emblème une tête de femme représentant la déesse Fortuna. C'était ainsi le nom de la maison du président à Goldar. Ils étaient suivis par 15 ou 16 traîneaux. Dans chacun étaient assis un monsieur et une dame, tous joyeux et dans leur plus beau plumage. Mais aucun couple n'avait aussi bonne façon que le premier. Les traîneaux avaient chacun la proue ornée, comme les navires, de noms et d'emblèmes presque toujours en rapport avec les noms des maisons auxquelles ils appartenaient, de sorte que le public disait « Voyez, c'est la bravoure !»« Comme la prudence est belle !» Le progrès moral paraît avoir été fraîchement reverni. Et l'économie est dorée à neuf. « Ah ! Voici le puits de Jacob, et plus loin, la piscine de Bethesda. » Celui qui conduisait la piscine de Bethesda, modeste traîneau à un cheval qui fermait le cortège, n'était autre que Michel Bunny, silencieux et satisfait. Le pauvre paralytique, qui avait attendu pendant 30 ans la piscine de Bethesda, ornait le bec de son traîneau. Comme ils arrivaient sur le plateau étincelant de neige, près de l'hôtel, ils entendirent du côté opposé une joyeuse musique. bientôt vit sortir d'une forêt chargée de givre une masse confuse de traîneaux et de personnages bigarrés qui se déroulèrent en cortège et prirent aussi la direction de l'hôtel. Cette singulière colonne, qui ressortait sur la neige blanche, tout en se profilant contre le ciel bleu, faisait l'effet le plus pittoresque. Les traîneaux étaient pour la plupart de grands et lourds traîneaux de paysans, accouplés deux à deux, pour offrir une base suffisante aux mascarades les plus burlesques. La figure qui ornait la proue du premier de ces doubles traîneaux, une grande figure colossale, représentait aussi une déesse Fortuna, qui semblait vouloir s'envoler. C'était une monstrueuse poupée de paille, dont les vêtements de gaze, couverts de dorures, flottaient à tous les vents. Sur le second était un bouc, un géant aussi, noir et sombre, qui faisait contraste avec la déesse et la poursuivait, les cornes basses. Ensuite venait un énorme échafaudage qui ressemblait à s'y méprendre à un fer à repasser de tailleur, puis une paire de ciseaux, de même dimension, qu'on ouvrait et fermait au moyen d'une cordelette, et qui paraissait considérer l'azur comme une étoffe bleue faite pour y tailler en plein. D'autres tableaux encore faisaient allusion au doux métier de tailleur, et un pied des figures grotesques sur les larges traîneaux était la société de cette villa, dont les costumes les plus bigarrés, chantant et riant à qui mieux mieux. Les deux cortèges arrivèrent en même temps devant l'hôtel, ce qui donna lieu à un bruyant remue-ménage d'hommes et de chevaux. La société de Goldar parut surprise de cette rencontre singulière. Celle de Selvilla, au contraire, se montra sans façon et familièrement aimable. Leur premier traîneau, celui de la déesse Fortuna, portait pour inscription « L'homme fait l'habit », d'où l'on pouvait conclure que la société se composait de tailleurs de tous les âges et de toutes les nations. C'était bien, en réalité, un cortège historique et ethnographique de l'universelle corporation des tailleurs. Sur le traîneau qui fermait la marche, on lisait en grand caractère « L'habit fait l'homme » et comme exemple à l'appui, on y voyait figurer en grand nombre des empereurs, des rois, des conseillers, des officiers, des prélats, tous plus graves les uns que les autres. Tout ce monde de tailleurs se rangea modestement de côté et laissa défiler les messieurs et les dames de Goldar qui, les fiancés en tête, gagnèrent bruyamment la grande salle au premier tandis que les tailleurs s'accommodaient de la salle d'en bas. Les amis de monsieur le comte furent rassurés par ce procédé convenable et leur surprise se transforma en gaieté. Ils se divertirent de la manière de s'amuser de ces gens-là. Seul le comte avait de sombres pressentiments, quoiqu'il n'eût pas précisément de soupçons et n'eût pas même remarqué d'où venait l'autre cortège. Michel Beny, après avoir pris soin de son cheval et de sa piscine de pédestat, mit de l'affectation à se faire voiloir et entendre dans l'entourage immédiat de Strapinski. Il dit en passant d'où venait la mascarade, mais il eut soin de nommer un autre endroit que le vrai. Bientôt, les deux sociétés attablées, l'une au rez-de-chaussée, l'autre au premier, commencèrent à se réconforter en attendant d'autres plaisirs, non sans discourir et plaisanter joyeusement. Puis les gens de Goldar se rendirent deux à deux dans la salle de danse, où les musiciens accordaient leurs violons. Ils allaient se mettre à danser lorsqu'arriva une députation de la société de Selvilla, demandant la permission de venir faire une visite et d'exécuter devant ces dames et messieurs une danse de caractère. On ne pouvait guère refuser une offre pareille. On crut à une farce plaisante et on se rangea en demi-cercle pour la voir. Inutile de dire que Strapinski et Nanette brillaient au premier rang comme des étoiles. Les groupes des tailleurs vinrent l'un après l'autre et chacun traduisit en pantomime à sa manière les deux inscriptions « L'homme fait l'habit » et « L'habit fait l'homme ». Ils commençaient par confectionner avec une rare dextérité ou bien un manteau royal ou bien une robe de prêtre qu'ils jetaient sur les épaules d'un pauvre diable. Aussitôt celui-ci prenait le port, la démarche et les mouvements indiqués par la musique du personnage qu'il avait à représenter. Un groupe mit en scène la fable du jet qui se parait des plumes du paon, un autre celle du loup qui se drapait dans une peau de mouton, un autre enfin celle de l'âne couvert de la peau du lion. Tous les groupes qui apparaissaient, aussitôt leur pantomime jouée, se rangeaient le long de la muraille, continuant le demi-cercle des gens de Goldar. Au moment où un dernier groupe ferma le cercle, la musique devint sérieuse, même mélancolique, et l'on vit entrer un jeune homme élancé, vêtu d'un grand manteau, avec de beaux cheveux noirs et un bonnet polonais. C'était Strapinski en personne, Strapinski tel qu'on avait pu le voir sur la route au mois de novembre, lorsqu'il était monté dans la mystérieuse voiture. Toute l'assemblée était dans une fiévreuse attente. Le personnage exécuta d'abord quelques pas au son de la musique, puis il ôta son manteau, s'assit dessus, à la façon des tailleurs, déballa un paquet, contenant un surtout à demi achevé, tout semblable à celui que portait Strapinski, et y cousit en grande hâte les ornements nécessaires. Alors il prit son fer et lui donna le dernier coup, non sans s'être mouillé le doigt et avoir éprouvé si le fer était chaud. Puis il se redressa lentement, ôta son habit râpé pour endosser celui qu'il venait de finir, sortit un petit miroir et se coiffa de façon à devenir de plus en plus le sosie de Strapinski. Tout à coup la musique devint joyeuse et rapide. L'homme emballa les objets qui ne lui servaient plus à rien et en fit un paquet qu'il jeta dans un coin de la salle, par-dessus les têtes des assistants, comme s'il voulait se séparer du passé pour toujours. Puis, se laissant conduire par la musique, il fit le tour de la scène, toujours dansant et s'inclinant çà et là jusqu'à ce qu'il fût devant les fiancés. Il regarda alors le Polonais, se tenant debout, droit devant lui, immobile comme une colonne. La musique s'arrêta aussitôt, comme par une conjuration secrète, et il s'établit un silence profond, un vrai silence d'orage, qui allait être suivi de la foudre. « Oh oh oh !» s'écria-t-il d'une voix claire en étendant le bras vers le malheureux. « Voilà notre frère de la Silésie, voilà le Polonais. Il a quitté mon atelier parce qu'il ne voulait pas porter l'eau et le bois pour ma femme. Et cela ne va pas trop mal à présent, puisque vous fêtez si gaiement le carnaval. Vous avez de l'ouvrage à Goldar ?» En disant ces mots, il tendit la main au comte, qui la prit machinalement, quoiqu'elle lui fît l'effet d'une barre de fer rouge. « Venez, mes amis, » continua son sosie, « venez voir notre brave compagnon. Il a l'air d'un Raphaël. Vous savez combien il a plu aux bonnes enfants de cette villa, et même à la fille du pasteur, qui, il est vrai, n'a pas la tête très solide. » Là-dessus, les gens de cette villa entourèrent Strapinski et lui serrèrent la main de manière à le faire trembler sur sa chaise. La musique attaqua une marche très vive, et les acteurs s'en allèrent en chantant, tandis que les gens de Goldar, parmi lesquels Michel Beny avait fait circuler des bruits significatifs, allaient et venaient, se croisant avec ceux de Seldvila, ce qui produisit un vrai tourbillon. Le calme ne se rétablit pas jusqu'à ce que la salle fût presque vide. Il ne restait que quelques personnes, par-ci par-là, parlant à voix basse. Deux ou trois dames se tenaient à distance de Nanette, ne sachant si elles devaient s'approcher ou non. Les fiancés, cependant, étaient toujours là, immobiles, semblables à ces couples royaux des bas-reliefs égyptiens, solitaires, silencieux, comme s'ils eussent senti sous leurs pieds le sable brûlant du désert. Nanette, blanche comme du marbre, se tourna lentement du côté de son fiancé et le regarda d'une manière étrange. Alors il se leva, lentement aussi, et s'en alla d'un pas incertain, les yeux baissés, pleins de grosses larmes. Il passa comme un mort au milieu des gens de Goldar et de Seldvila qui encombraient l'escalier. On eût dit un fantôme. Chose singulière, on s'écarta et on le laissa passer sans lui dire un mot dur, sans même sourire. Il traversa la rangée des traîneaux de Goldar, prêt au départ. Quant aux tailleurs de Seldvila, ils étaient en veine de s'égayer et ne songeaient pas à partir de sitôt. Strapinski reprit cette route de Seldvila par laquelle il était venu quelques mois auparavant et disparut bientôt dans la forêt. Il avait les cheveux au vent, ayant laissé son bonnet et ses gants dans l'embrasure de la fenêtre de la salle de danse. Il marchait, tête baissée, cachant ses mains gelées sous ses bras croisés et tâchant de se retrouver dans la confusion de ses pensées. Son premier sentiment distinct fut celui d'une honte immense, comme s'il avait été, en effet, un homme de haut rang et qu'un malheur immérité l'eût réellement déshonoré. Ensuite, il eut le sentiment d'avoir été victime d'une grande injustice du sort. Jusqu'à son entrée glorieuse dans cette ville maudite, il n'avait pas de faute à se reprocher. Jamais, aussi loin que remontaient ses souvenirs, il n'avait été puni pour un mensonge, une tromperie quelconque, et maintenant il passait pour un coquin parce que la folie du monde s'était emparée de lui un beau jour, dans un moment où il n'était pas sur ses gardes. il se faisait à lui-même l'effet d'un enfant, qu'un autre enfant, un espiègle, aurait entraîné à voler la coupe de l'autel à l'église. Tout en se haïssant et en se méprisant, il pleurait sur lui-même et sur sa malheureuse folie. Quand un souverain s'annexe pays et gens, quand un pasteur annonce sans conviction la doctrine d'une église dont il mange les revenus avec dignité, ou bien qu'un faux savant vaniteux jouit des honneurs et des avantages d'un haut emploi, sans avoir la moindre notion de la beauté de la science, à laquelle il ne rend d'ailleurs aucune espèce de service, quand un artiste sans force s'est mis en vogue par des dehors brillants et de vrais tours de passe-passe volant pain et gloire aux véritables travailleurs, quand un faiseur, qui a hérité d'un nom honoré ou l'a usurpé, abuse de la confiance qu'il inspire et ruine les centaines de pauvres diables qui lui confient leurs épargnes, ils ne songent à pleurer ni les uns ni les autres. Ils jouissent de leurs aises, au contraire, et ne passent la soirée ni sans compagnie, ni sans bons amis. Notre tailleur versa des larmes amères. Elles commencèrent à couler subitement quand ses pensées se reportèrent sur Nanette, la fiancée devant laquelle il aurait voulu rentrer sous terre, comme si elle eût été là présente. Du fond de son malheur et de sa honte, il vit le bonheur perdu briller d'un éclat plus vif, et il oublia l'amour égaré pour ne songer qu'au fiancé répudié. Ce lui fut un redoublement de désespoir. Il tendit les bras vers les étoiles scintillantes et continua sa route sans savoir comment, chancelant plus qu'il ne marchait. Tout à coup, il vit la neige autour de lui éclairée d'une lueur rouge et il entendit des rires et des chants. C'étaient les gens de Seldvilla qui s'en retournaient avec des torches allumées. Le premier traîneau n'était plus loin. Strapinski fit un saut de côté et se cacha derrière un arbre. La folâtre société passa et les rires se perdirent dans l'éloignement sans que rien eût trahi la présence du fugitif. Il resta longtemps sans faire un mouvement, puis, saisi par le froid, étourdi par les boissons spiritueuses et plus encore peut-être par son chagrin et la conscience de sa sottise, il se laissa choir et s'étendit sur la neige crépitante tandis qu'un vent de plus en plus glacé soufflait de l'Orient. Nanette finit aussi par se lever de son siège solitaire, mais elle y mit du temps. Elle avait suivi des yeux son fiancé lorsqu'il s'était éloigné, après quoi elle était restée assise sans bouger plus d'une heure encore. Elle ne se leva que lorsqu'un flot de larmes commença à lui couler sur les joues. Elle se dirigea rapidement vers la porte. Deux amis s'approchèrent d'elle, avec des paroles de consolation médiocrement consolantes. Elle les pria de lui apporter chapeau, châle et manteau. Elle s'enveloppa et s'essuya les yeux avec son voile. Mais il arrive parfois, quand on pleure trop, qu'il ne suffit pas de s'essuyer les yeux. Elle prit son mouchoir et se moucha fortement. Après quoi, comme si elle eût été soulagée, elle jeta autour d'elle un regard de colère et de dédain qui tomba tout justement sur Michel Beny au moment où il s'approchait avec un agréable sourire et lui représentait la nécessité d'accepter pour leur tour un autre cavalier. « Je laisserai la piscine de Bédesta ici, à l'hôtel, disait-il, et vous reconduirai dans votre traîneau. » Elle sortit sans répondre, d'un pas ferme, descendit à la cour, où son traîneau, un des derniers restés, était attelé de ses deux beaux chevaux bien nourris. Elle y monta, prit les rênes et le fouet, puis pendant que Bunny tirait sa bourse pour donner une bonne main aux domestiques qui les avaient gardés et s'embrouillait dans son empressement, elle toucha les chevaux comme par hasard et partit au grand trot. Bientôt le trot se changea en un galop qui devint de plus en plus rapide sur la grande route de Seldvilla, car ce fut celle de Seldvilla que prit Nanette et non celle de Goldar. Le hasard voulut que Bunny ne s'aperçut de rien sur le moment même. Il crut sans doute au départ d'un autre traîneau. Quand il se vit seul, il se mit à courir de toutes ses forces dans la direction de Goldar, appelant et criant en vain. Force lui fut de revenir chercher sa piscine de Bédesta pour suivre la malheureuse dont les chevaux fougueux devaient, pensait-il, s'être emportés. Mais il ne l'avait pas encore atteinte quand il arriva aux portes de Goldar, où tout le monde s'occupait de l'étrange et fâcheuse aventure. C'est une question que de savoir si Nanette avait pris la direction de Seldvilla par erreur, dans le désordre de ses pensées, ou intentionnellement. Deux indices, cependant, feraient pencher pour la seconde alternative. le bonnet élégant de Strapinski posé sur le bord de la fenêtre, derrière Nanette, était à côté d'elle dans le traîneau. Comment les avait-elle pris ? Elle ne le savait pas elle-même. La chose s'était faite d'une manière tout à fait inconsciente. En outre, elle ne cessait de marmotter entre ses dents. « Il faut que je lui dise encore deux mots, seulement deux mots. » Il serait donc possible que les chevaux n'eussent pas été guidés par le hasard tout seuls. Et chose plus singulière encore, en arrivant dans la forêt, où la route était éclairée en plein par la lune, Nanette modéra l'ardeur des chevaux et tira les rênes à elle, de manière à les faire marcher au pas. Pendant ce temps, elle observait attentivement la route à droite et à gauche, fixant sur chaque objet ses yeux encore humides. Son âme était profondément triste. Que signifie le bonheur et la vie ? De quoi dépendent-ils ? Que sommes-nous nous-mêmes pour que notre avenir soit à la merci d'une farce de carnaval ? Qu'avons-nous fait pour que, d'une affection joyeuse et confiante, nous ne recueillions que honte et désespoir ? D'où viennent ces fantômes qui traversent et ruinent notre destinée, puis disparaissent comme des bulles de savon ? Ces questions, plutôt rêvées que nettement posées, occupaient Nanette lorsque tout à coup elle aperçut quelque chose de long et de foncé, éclairé par la lune et faisant tache sur la neige. N'était-ce pas son aventurier étendu de tout son long ? Ses cheveux noirs se confondaient avec l'ombre des arbres, tandis que son corps élancé était sous le rayon de la lune. Nanette arrêta involontairement les chevaux au bord de la forêt silencieuse, regarda quelque temps le corps noir, puis, quand elle fut sûre de son fait, elle noua les rênes, descendit, caressa les chevaux pour les tranquilliser et s'approcha sans bruit. C'était lui. Le velours vert foncé faisait encore un fort bel effet de nuit sur cette neige. Les vêtements de cérémonie qui recouvraient ce corps élancé, ses membres souples et bien découplés, disaient toujours « L'habit fait l'homme ». Lorsque la belle voyageuse se fut baissée sur lui, elle comprit aussitôt que sa vie était en danger. Elle craignit qu'il ne fût peut-être déjà gelé. Elle prit une de ses mains dans les siennes et la trouva froide et sans mouvement. Mettant alors toute réserve de côté, elle secoua le malheureux et l'appela de toutes ses forces. Il ne fit aucun mouvement, à peine semblait-il respirer. Elle se pencha à demi sur lui, lui passa la main sur le visage et le frappa dans son angoisse. Puis il lui vint une bonne idée, elle prit une poignée de neige et lui frotta la figure et les mains jusqu'à ce qu'il fût revenu de son insensibilité. Il se réveilla et se souleva lentement. Il vit alors devant lui celle qu'il avait sauvée. Elle avait rejeté son voile, et il pouvait reconnaître chaque trait de ce blanc visage qui le regardait avec de grands yeux. Il tomba à genoux, embrassa le bord de son manteau et s'écria « Pardonne-moi, pardonne-moi !»« Viens, pauvre inconnu !» répondait-elle d'une voix qu'elle cherchait à raffermir. « Je t'emmènerai et nous causerons !» Elle lui fit signe de monter dans le traîneau, ce qu'il fit docilement. Elle lui donna le bonnet élégant, tout aussi machinalement qu'elle les avait pris, puis elle saisit les rênes et le fouet, et les chevaux partirent. De l'autre côté de la forêt, à peu de distance de la route, se trouvait une métairie où demeurait une paysanne, veuve depuis peu de temps. Nanette était la marraine d'un de ses enfants, et son père lui avait prêté une certaine somme. Cette femme était venue féliciter Nanette quelques jours auparavant et chercher des conseils. Elle ne pouvait rien savoir encore de ce qui venait de se passer. Nanette fit prendre à ses chevaux le chemin de la métairie. Il y avait encore de la lumière derrière les fenêtres aux petits carreaux. La paysanne veillait, tandis que les enfants et le domestique dormaient depuis longtemps. Elle ouvrit la fenêtre et jeta au dehors un regard très étonné. « Ce n'est que moi. Nous, c'est-à-dire, » fit Nanette. « Nous nous sommes trompés à cause de la nouvelle route d'en haut que je ne connaissais pas. Faites-nous une tasse de café, ma bonne. Nous voulons entrer un moment avant de continuer notre route. » La paysanne, qui avait aussitôt reconnu la voix de Nanette, arriva toute heureuse. Mais elle ne laissa pas d'être intimidée en voyant ce grand personnage. Ce qu'elle savait de plus glorieux et de plus heureux au monde venait de passer le seuil de sa maison dans la personne de ses hôtes. Une vague espérance d'en tirer un jour quelque avantage, soit pour elle, soit pour ses enfants, n'était peut-être pas étrangère aux ailes et à l'agilité avec lesquelles la bonne femme servait le jeune couple. Elle eut vite éveillé un petit domestique pour tenir les chevaux. et bientôt préparait un bon café chaud qu'elle apporta dans la pièce où étaient Wenceslas, Trapinski et Nanette, c'est-à-dire dans une chambre assez obscure, éclairée seulement par une petite lampe posée entre eux sur la table. Strapinski était assis, la tête dans les deux mains, sans oser lever les yeux. Nanette s'était renversée sur sa chaise, les yeux fermés, la bouche aussi, une bouche un peu plissée, ce qui prouvait qu'elle ne dormait pas. Lorsque la paysanne eut posé la boisson chaude sur la table, Nanette se leva vivement et lui dit à voix basse « Laissez-nous un moment seul, ma chère, mettez-vous sur votre lit. Nous nous sommes un peu querellés aujourd'hui et nous voulons nous expliquer ici. » « Où l'occasion est bonne. »« Je comprends, vous faites bien, » dit-elle, et elle les laissa seules. « Buvez, » dit Nanette après s'être rassise, « cela vous fera du bien. » Pour elle, elle ne toucha à rien. Strapinski, qui tremblait encore de froid, se redressa et but une tasse, plutôt pour lui obéir que pour se restaurer. Il la regarda alors, et leurs yeux se rencontrèrent. Nanette secoua la tête et dit « Qui êtes-vous ? Et que me vouliez-vous ? » « Je ne suis pas tout à fait ce que je parais être maintenant, » répondit-il avec tristesse. « Je suis un pauvre fou, mais je vous ferai réparation. » et ne resterait plus longtemps en vie. » Il dit cela avec tant de conviction et de simplicité qu'il y eut dans les yeux de Nanette un éclair involontaire. Néanmoins, elle se borna à répondre « Je désire savoir qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. » Tout est arrivé comme je vais vous le raconter. » Il lui fit alors le récit de sa vie et de son entrée à Goldar, l'assurant qu'il avait voulu s'enfuir à plusieurs reprises, mais que c'était son apparition à elle qu'il avait retenu comme un rêve enchanté. Nanette eut parfois envie de rire, mais le sérieux de la situation en fut le plus fort. Elle continua à le questionner. « Où comptiez-vous aller avec moi et que vouliez-vous faire ?»« Je le sais à peine, » répondit-il. « J'espérais d'autres miracles. Je pensais aussi quelquefois à la mort. Je voulais me tuer après... » Ici, Wenzel s'arrêta et sa pâle figure devint toute rouge. « Continuez, » dit Nanette, qui de son côté pâlissait, tandis que le cœur lui battait étrangement. Alors les yeux de Wenzel s'ouvrirent tout grands, grands et doux, lançant des étincelles. « Je sais maintenant ce que j'aurais fait, » s'écria-t-il. « Je serais parti avec toi, et après quelques jours de bonheur, je t'aurais fait mes aveux et me serais donné la mort. Tu serais retourné vers ton père, ou tu m'aurais facilement oublié. Personne n'aurait rien su, on n'aurait plus parlé de moi. » Au lieu de passer ma vie à soupirer après une existence meilleure et un cœur aimant, j'aurais été un instant grand et heureux, bien au-dessus de tous ceux qui ne sont ni heureux ni malheureux et qui cependant ne veulent jamais mourir. Oh, que ne m'avez-vous laissé sur la neige, je me serais endormi tranquillement. » En prononçant ces dernières paroles, il avait repris son attitude première. Il regardait tristement devant lui. Nanette le contempla un assez long moment. Puis sentant que ses battements de cœur s'étaient un peu calmés, elle lui dit « Avez-vous déjà fait plus d'un coup semblable, trompé plus d'une personne qui ne vous a jamais fait de mal ?» Je me suis adressé la même question pendant cette nuit amère, et aussi loin que vont mes souvenirs, je n'ai jamais été menteur et n'ai jamais rien eu qui ressemble à une pareille aventure. Dans le temps, c'est-à-dire dans mon enfance, où le désir d'être ou de paraître quelque chose s'était formé en moi, j'ai renoncé à un bonheur qui semblait m'être destiné. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Nanette. « Ma mère, avant de se marier, était en service chez un seigneur de la contrée, et elle avait souvent accompagné sa maîtresse en voyage dans de grandes villes. Aussi avait-elle pris des manières et un genre plus fins que les autres femmes du village. Peut-être aussi s'y mêla-t-il quelque vanité, car elle s'habillait, ainsi que moi, mieux que les autres, même d'une manière un peu recherchée. Mon père, un pauvre maître d'école, mourut de bonne heure, et nous nous trouvâmes dans une grande pauvreté. Nous étions dans une position qui ne permettait pas d'espérer quelque heureux retour de fortune, quoique ma mère se plût à en rêver. Elle dut travailler beaucoup pour nous tirer d'affaires et sacrifier ce qu'elle avait de plus cher, ses meilleurs vêtements. Son ancienne maîtresse, devenue veuve, lui offrit tout à coup de me prendre avec elle et de m'emmener à la capitale où elle allait demeurer. J'avais environ 16 ans. Elle disait que c'était dommage pour moi de devenir un ouvrier ou un domestique, qu'elle me ferait faire un apprentissage, que je resterais dans ma maison et rendrais de petits services. Il semblait que c'était ce qui pouvait arriver de plus heureux pour nous. Tout était convenu et arrangé lorsque ma mère devint tout à fait triste et me supplia avec larmes de ne pas la quitter et de rester pauvre avec elle. « Je ne vivrai pas longtemps, dit-elle. Tu auras encore le temps, après ma mort, d'arriver à quelque chose. » J'allais faire rapport à la belle dame, qui vint faire des reproches à ma mère, mais ma mère lui répondit, en proie à une vive agitation, qu'elle ne se laisserait pas enlever son enfant, qu'elle le connaissait. Ici Wenzel Strapinski s'arrêta de nouveau et ne sut comment continuer. Nanette demanda, « Que disait donc votre mère ?» Wenzel rougit et continua. Elle disait quelque chose de particulier que je n'ai pas très bien compris et qui jusqu'ici ne s'est guère réalisé. Elle disait que quiconque me connaissait ne pouvait plus se séparer de moi. Elle voulait sans doute dire que j'étais un bon garçon ou quelque chose de pareil. Bref, elle était si désolée que malgré les sollicitations de la dame, j'ai refusé d'aller avec elle et suis resté avec ma mère qui m'en aima d'autant plus et me demanda mille fois pardon d'avoir empêché mon bonheur. Lorsque je dus choisir un gagne-pain, il n'y avait guère d'autre ressource que de faire un apprentissage chez notre tailleur du village. Je m'y opposais d'abord, mais ma mère pleura tant que je me résignais, et voilà toute mon histoire. Nanette lui demanda alors pourquoi il avait cependant quitté sa mère. « Le service militaire m'a appelé loin d'elle, répondit-il. On me fit entrer dans les hussards, et je n'y fis point mauvaise figure avec mon uniforme rouge. Je fus peut-être le plus bête, à coup sûr le plus tranquille de tous les hussards du régiment. Après une année de service, j'obtins un congé de quelques semaines, mais lorsque je revins au village, ma mère venait de mourir. Je terminai mon service militaire, puis j'entrepris ma tournée de compagnon, et le malheur a voulu que je me sois égaré dans ce pays. » Nanette sourit en l'entendant parler ainsi, puis il y eut de nouveau un moment de silence dans la chambre. Tout à coup, il vint une idée à la jeune fille. « Comme vous avez toujours été si aimable et si appréciée, dit-elle d'un ton un peu sec, vous avez sans doute eu de nombreuses amourettes. »« Ah, mon Dieu !» répondit Wenzel en rougissant. « Avant de venir chez vous, je n'avais jamais touché le bout du doigt d'une jeune fille, excepté... »« Eh bien ?» demanda Nanette. « Justement, cette dame qui voulait me prendre avec elle, avec une petite fille de 7 ou 8 ans, une singulière enfant, très emportée, cependant bonne comme du sucre et belle comme un ange. J'ai souvent dû l'accompagner à la promenade, et elle s'était habituée à moi. C'était moi qui la conduisais à la cure, un peu éloignée, où l'allait prendre ses leçons. La dernière fois que je l'y menais, elle me parla de son prochain départ, me déclara que je devais absolument l'accompagner, et me demanda si je voulais le faire. Je lui répondis que cela ne se pouvait pas, mais elle continua de me supplier en se pendant à mon bras et en m'empêchant de marcher comme les enfants ont coutume de faire. Je me dégageai un peu brusquement sans y réfléchir. Alors elle laissa tomber sa tête toute triste et chercha à cacher ses larmes. Je voulus la ramener et la calmer, mais elle se détourna avec colère et me congédia. Le souvenir de cet enfant m'a suivi partout et je lui suis resté attaché quoique je n'ai plus rien appris d'elle. Il s'était un peu animé en causant. Il s'arrêta tout à coup comme s'il avait peur et regarda sa compagne en pâlissant. « Qu'avez-vous donc ? » dit Nanette en pâlissant à son tour. « Pour me regarder ainsi ?» Wenzel étendit le bras et la montra du doigt comme s'il voyait un revenant. « J'ai déjà vu cela, » s'écria-t-il. « Quand cet enfant était en colère, ses jolis cheveux sur le front et sur les tempes se levaient comme chez vous maintenant. On les voyait s'agiter. » C'était ainsi, ce dernier soir, au soleil couchant. Et en effet, les petites boucles sur le front et sur les tempes de Nanette étaient comme balancées par un léger souffle. Mère Nature, toujours un peu coquette, avait employé là un de ses petits artifices pour mener à bonne fin cette aventure un peu délicate. Après un moment de silence, pendant lequel la poitrine de Nanette fut visiblement agitée, elle se leva, fit le tour de la table pour aller à lui et l'entoura de ses deux bras en lui disant « Je ne te laisserai pas, tu es à moi, j'irai avec toi et je braverai tout le monde. » Ce fut alors seulement qu'elle fêta du fond du cœur ses vraies fiançailles en acceptant avec passion et en embrassant fidèlement la destinée de son fiancé. Elle n'était pas timide, et elle entendait bien la diriger un peu, cette destinée qu'elle acceptait. Aussi prit-elle sa résolution rapidement et avec courage, pendant que Benzel se perdait dans ce retour de bonheur. « Nous irons tout droit à Seldvilla, dit-elle, pour montrer à tous ceux qui ont voulu nous désunir que c'est le contraire qu'ils ont fait. À présent seulement, nous sommes bien unis. » Le brave Benzel n'était pas précisément de cet avis. Il aurait désiré s'en aller dans un monde inconnu, continuer son roman et vivre, comme il disait, d'un bonheur tranquille. Mais Nanette s'écria « Plus de roman, je te prends tel que tu es, pauvre ouvrier, et veux être ta femme, en dépit de ces orgueilleux et de ces moqueurs. Nous irons à Seldvilla, et à force de travail et d'industrie, nous arriverons à tenir sous notre dépendance tous ceux qui se sont moqués de nous aujourd'hui. » Ce qui fut dit fut fait. On appela la paysanne, et Wenzel, qui commençait à entrer dans son nouveau rôle, la récompensa largement. Puis on se remit en route. Cette fois, ce fut Wenzel qui tint les rênes. Nanette s'appuya à lui d'un cœur aussi confiant que s'il avait été une colonne d'église. Vouloir, librement vouloir, est pour l'homme le paradis, et Nanette, qui venait justement d'atteindre à sa majorité 3 jours auparavant, avait le droit de vouloir. Ils descendirent à l'hôtel de l'arc-en-ciel, où ils trouvèrent attablés nombre des jeunes gens qui avaient été de la partie de traîneau. En les voyant entrer, tous les convives se regardèrent et se dirent les uns aux autres « Un enlèvement ! Un enlèvement ! Ah, la jolie histoire que nous avons faite là !» Mais Wenzel passa avec sa fiancée sans prendre garde à eux, et lorsque Nanette eut disparu dans sa chambre, il se rendit à l'hôtel du Sauvage, où banquetait une autre partie de la société. Il traversa la salle avec le même regard dédaigneux, les abandonnant à leurs conjectures, ce qui les força à boire jusqu'en avoir un fameux mal de tête. À Goldar aussi, le mot d'enlèvement circulait déjà. Aux premières lueurs de l'aube, la piscine du Pédesta était sur la route de Seldvilla. 2 personnes étaient dedans, Bunny, fort agité, et le père de Nanette. Ils étaient sur le point de passer sans s'arrêter quand ils aperçurent Fortuna en fort bon état devant l'hôtel de l'arc-en-ciel, ce qui leur fit faire la consolante supposition que les chevaux ne devaient pas être bien loin. Apprenant qu'ils avaient supposé juste et que Nanette aussi était là, ils firent dételer et entrèrent. Il se passa un moment avant que Nanette fît prier son père de venir la voir dans sa chambre. On racontait déjà qu'elle avait fait appeler le meilleur avocat de la ville qui avait promis de venir pendant la matinée. Le père monta vers sa fille, le cœur gros, songeant à la manière dont il la ramènerait de ses égarements et s'attendant à des scènes violentes. Mais Nanette vint à lui avec calme. Elle le remercia avec attendrissement de son affection pour elle et de sa bonté, et lui déclara en peu de mots, premièrement, qu'elle ne voulait plus vivre à Goldar, au moins pendant les premières années, secondement, qu'elle désirait avoir la jouissance de sa fortune maternelle, que son père tenait prête depuis longtemps pour le cas où elle se marierait. Troisièmement, qu'elle voulait épouser Wenzel Strapinski et que sa volonté sur ce point était inébranlable. Quatrièmement, qu'elle comptait s'établir avec lui à Seldvilla et lui aider à fonder un bon commerce. Cinquièmement, que tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, car elle avait acquis la conviction que Strapinski était un honnête homme et qu'il la rendrait heureuse. Le président entra en matière en rappelant à Nanette ce qu'elle devait savoir, combien il avait désiré lui remettre le plus tôt possible sa fortune, base assurée d'un véritable bonheur. Puis il lui peignit sous les plus vives couleurs le chagrin qu'il avait éprouvé à la première nouvelle de cette catastrophe et l'impossibilité des relations qu'elle songeait à maintenir. Il lui indiqua finalement le moyen de tout réparer. Monsieur Michel Bunny étoufferait le scandale en couvrant devant le monde l'honneur de Nanette de son nom pur et sans tache. Mais le mot d'honneur mit la jeune fille dans une grande exaltation. « C'est précisément mon honneur, dit-elle, qui m'ordonne de ne pas épouser Monsieur Bunny, qui m'est insupportable, et de rester fidèle à ce pauvre étranger auquel j'ai donné ma parole et que j'aime. » Il y eut beaucoup de discours pour et contre, qui finirent par faire verser bien des larmes à la courageuse jeune fille. Tout à coup entrèrent Wenzel et Bunny. Ils s'étaient rencontrés sur l'escalier, et la confusion menaçait de devenir grande lorsque parut l'homme de loi fort connu du président. Il conseilla tout d'abord la prudence et la paix. Puis, Quand on l'eut mis au courant de tout, il ordonna Wenzel de se retirer à l'hôtel du sauvage et de s'y tenir tranquille, à M. Bunny de se retirer également et de ne plus s'en mêler, à Nanette d'observer toutes les formes de la politesse et du bon ton, au père de renoncer à toute pression, puisque sa fille était libre d'après la loi, laquelle ne pouvait être mise en doute. Il y eut donc trêve et séparation pour quelques heures. Cependant, l'affaire commençait à faire grand bruit dans la ville, où l'avocat ne tarda pas à laisser tomber quelques mots au sujet d'une grosse fortune qui, grâce à cette aventure, pourrait bien prendre le chemin de Seldvilla. Aussitôt, les dispositions des bourgeois furent changées du noir au blanc. Elles devinrent si favorables au tailleur et à sa fiancée qu'ils résolurent de les protéger et de payer de leurs biens et de leurs personnes pour maintenir dans leur ville le droit et la liberté d'un chacun. Lorsque le bruit se répandit que l'héroïne de Goldar devait être ramenée de force, ils s'attroupèrent, mirent une garde devant l'hôtel de l'arc-en-ciel et devant celui du sauvage, et se jetèrent gaiement dans une des plus grandes aventures de leur histoire, singulière continuation de celle du jour précédent. Le président, furieux et très effrayé, envoya Bunny à Goldar pour chercher du secours. Bunny partit au grand galop et dès le jour suivant, on vit arriver grand nombre d'hommes accompagnés de sergents de police. Tout annonçait que Seldvilla allait partager la fortune de Troie. Les deux parties étaient si menaçants que déjà le tambour de la ville était sur le point de tendre sa caisse. Il venait justement de donner quelques coups de baguette de la main droite quand arrivèrent de hauts magistrats et de grands dignitaires de l'Église. On négocia de nouveau, et si bien qu'à la fin il fut décidé que puisque Nanette restait inébranlable et que Wenzel, encouragé par les gens de Seldvilla, ne se laissait point intimider, les bans seraient publiés prochainement. La guerre se termina donc par une noce, en l'honneur de laquelle les gens de Seldvilla tirèrent force boîte, dans l'espoir de faire enrager les gens de Goldar, qui pouvaient fort bien les entendre, car le vent soufflait de l'ouest. Le président donna à sa fille toute la fortune maternelle, et Nanette décida que Wenzel deviendrait un grand marchand tailleur et drapier. Ce fut ce qui arriva, mais autrement que les gens de Seldvilla ne l'avaient rêvé, car Wenzel resta modeste, économe et travailleur. Il sut donner une grande extension à son commerce. Il leur fit leurs gilets de velours, violets ou quadrillés bleus et blancs, leurs fracs de cérémonie avec boutons d'or, et leur manteau bordé de rouge, le tout à crédit, mais pas pour longtemps, car il entendait que les vieux comptes fussent payés avant qu'on en fît de nouveau pour suivre une mode nouvelle. Les gens de Seldvilla disaient qu'il leur suçait le sang sous les ongles. Avec tout cela, il prit grand air et aussi un peu d'embonpoint. Il n'avait presque plus rien de raveur. D'année en année, il devint plus habile en affaires. Il fit avec son beau-père, bientôt réconcilié, de si belles spéculations que la fortune en fut doublée. Bref, après 10 ou 12 ans, ayant autant d'enfants que d'années de mariage, il alla demeurer à Goldar, où il devint un personnage fort considéré. Il ne laissa rien à Seldvilla, pas même un centime. Fût-ce ingratitude ou vengeance, on ne sait. Ainsi s'achève L'habit fait l'homme de Gottfried Keller.